Alors, bonjour tout le monde, c'est Luc du podcast Auto. Alors, toujours dans le cadre des chroniques que je fais le jeudi matin à 7h35 avec Jean-Benoît Gagné sur CIL MF à Havre-Saint-Pierre. Aujourd'hui, je vous présente la chronique 5 et la chronique 6. Dans la chronique numéro 5, on parlait de deux bonnes nouvelles chez GM et une moins bonne nouvelle pour Chrysler. Puis, on parlait aussi de la nouvelle Ford Fusion 2013. Alors, bonne écoute, puis je vous reviens pour la chronique numéro 6. Assez, il y a le 735, Luc Desomeaux qui est avec nous. Bonjour Luc. Salut Jean-Benoît. Pour nous parler actualité automobile, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va très bien. Le jeu du... J'aime ça jaser avec toi, Luc. Ben c'est, ça tombe bien. Petite déclaration là, d'amitié de même, là, j'aime ça. On a du fun ensemble en onde. Oui, c'est le fun. C'est quelque chose qui est le fun à faire. Yes. Actualité automobile, cette semaine, on va parler de deux bonnes nouvelles chez GM qui sont survenues dans l'actualité. Oui, c'est ça. GM a annoncé cette semaine qu'ils ont vendu leur 2 millionième véhicule en Chine. Ça s'est passé le 21 septembre. Puis c'est la troisième fois de son histoire que GM atteint ce plateau-là. Puis c'est quand même drôle parce que ça fait trois fois en trois ans. Donc, dans les trois dernières années, ils ont réussi à vendre plus de 2 millions de voitures dans leur année en Chine. Fait que s'il y a des gens qui se demandent là, pourquoi, que, quand ils ont fait leur restructuration, ils ont décidé de garder Buick, puis pas garder Oldsmobile, puis Pontiac, mais c'est parce que Buick est un très, très gros vendeur en Chine. Fait qu'on voit un peu là, ce qui aide à donner ces chiffres-là. C'est pour ça que GM a gardé cette bannière-là qui est Buick, là. R&D, donc recherche et développement chez GM, on a mis au point une nouvelle façon de souder l'aluminium, puis ça nous ouvre une belle perspective d'avenir. C'est ça, GM a mis au point une nouvelle manière de souder les panneaux d'aluminium ensemble. C'était quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire auparavant, donc ils ont trouvé, ils ont inventé une manière de pouvoir souder des panneaux d'aluminium pour des utilisations qu'ils pouvaient pas faire avant dans les voitures. Fait que ce que ça va apporter, c'est une réduction du poids, parce que plus qu'on peut utiliser d'aluminium dans une voiture, moins le poids est élevé. Puis si le poids est moins élevé, ben en même temps, on va faire des économies d'essence. Fait qu'on devrait voir ça apparaître dans le futur dans les véhicules GM. Puis je suis sûr qu'à un moment donné, les autres constructeurs vont aussi emboîter le pas. Là. Ils n'auront pas tellement le choix. Mais c'est une bonne nouvelle. Plus que l'aluminium est utilisé, ben moins que les véhicules vont être lourds. Ce qui est quand même une bonne nouvelle là, pour l'économie d'essence, vu le prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Si vous avez, si vous êtes du genre à jouer en bourse et que vous avez des actions de Rio Tinto Alcan, ça risque de monter parce qu'ils produisent de l'aluminium pas à peu près. Et les constructeurs américains, s'ils se mettent à construire des voitures avec beaucoup d'aluminium, ben le matériel va être plus en demande. Vous allez faire de l'argent. Ça va peut-être aider. Sinon, ben, du côté de Chrysler, l'autre gros constructeur américain, lui, ça va un peu moins bien. Ben, c'est pas que ça va moins bien. Ils ont quand même augmenté leur vente là, depuis le début de l'année. Ils ont quand même des bonnes voitures sur la route. Le seul problème, c'est que le président de Fiat slash le Chrysler, qui est Sergio Marconi, avait décidé de lancer Alfa Romeo en Amérique. Ils étaient supposés ramener Alfa Romeo au Canada puis aux États-Unis. Puis a annoncé cette semaine là, que le plan allait être remis probablement en 2014. Le problème, c'est à cause de la récession en Europe là, qu'il y a de la misère, l'économie a de la misère à reprendre sa vitesse en Europe. Donc, ils ont décidé de retarder l'arrivée d'Alfa Romeo en Amérique. C'était supposé se faire à la fin 2012, c'est supposé être reporté en 2014. Puis Alfa Romeo avait dans les plans d'amener un petit coupé deux places, puis une berline haut de gamme, là, mais on va probablement voir ça, j'imagine, début 2014 à la place. Peut-être 2013, si tout va bien. Parfait, on va surveiller ça. Sinon, Ford lance sa fusion 2013. Tu nous en parles un peu ce matin. Oui, c'est ça. Ben Ford qui continue dans sa lancée de nous apporter des nouvelles voitures qui vont compétitionner fortement avec ce qu'il y a sur le marché. Ils nous ont présenté la nouvelle Focus qui est en train de faire un malheur un peu partout dans le monde. Ils viennent de changer aussi le Ford Escape que je vais avoir le bonheur d'essayer dans deux semaines. Je vais en avoir un pour une semaine, un peu comme j'ai fait avec le Tesla Mustang. Je vais avoir un Escape 2013 dans deux semaines. Puis là, ils nous présentent la nouvelle Ford Fusion. Il y a cinq modèles. Là, ben, environ cinq modèles qu'on peut choisir. Le prix va varier entre 23 119 $ à environ 44 000 $ là, dépendant des options. À ta boy, Pardon? À ta boy, c'est une grosse marge de manœuvre, ça. Il y a un 20 000 $ de jeu. Ouais, mais celui à 44 000, là, tu vois, c'est vraiment le plus équipé. Celui à 44 000, c'est moi qui l'ai monté sur le site de Ford avec toutes les options possibles et imaginables. Okay. Fait que ça revient à 44 000, mais il y a de l'option sur l'auto. Mais si on passe par les modèles de base, le modèle le moins cher que vous allez pouvoir trouver, qui va être le modèle S, ça va être un 4 cylindres de 2,5 litres qui va être installé dedans avec une transmission automatique à 6 rapports. Le moteur a une puissance de 168 chevaux. Il y a des palettes de changement de vitesse au volant, donc on peut quand même changer les vitesses manuellement si on veut. Puis il y a l'équipement là, régulier d'une voiture des années 2012-2013, les freins à disque aux quatre roues, la climatisation. Il y a un système de remplissage de carburant sans bouchon là, de Ford, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouchon à gaz, comme on dit. Quand on va pour aller mettre de l'essence, on a juste à ouvrir la porte, oups, on met tout de suite le fusil de remplissage dedans, puis on n'a pas de bouchon à mettre ou à enlever. Ça, c'est vraiment le fun. Puis le prix de base va être de 23 119. Ça, c'est le modèle vraiment de base. Mais il est quand même assez bien équipé là, pour compétitionner avec les autres constructeurs. La consommation estimée va être à peu près 9,2 litres au 100 km en ville, puis 5,8 litres au 100 km sur route. Donc, c'est quand même une voiture qui consommera pas trop vu sa grosseur. Après ça, Ford va nous offrir un modèle SE à traction avant qui est un petit peu plus équipé. Puis là, c'est là qu'on commence à pouvoir rajouter toutes les options qu'on veut. Parce que dans le modèle de base, il y a peut-être 2-3 options qu'on peut rajouter, là, dont un chauffe-bloc moteur puis ces choses-là, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. On peut pas demander le système Sync ou le MyFord Touch dans le modèle de base. Il faut aller dans la version SE pour pouvoir avoir ça. Donc, il y a le modèle SE à transmission à traction avant qui va partir à 24 449. Il y a des roues de 17 pouces, le même moteur 4 cylindres. C'est un 4 cylindres EcoBoost de 2 litres, excuse, qui est dans le modèle SE, qui donne 237 chevaux avec une boîte automatique à 6 rapports. Il y a aussi un modèle SE à traction intégrale, donc 4 roues motrices. Lui va partir à 28 052. Mais là, on a un 4 roues motrices, c'est mieux pour l'hiver, surtout au Québec, une traction intégrale, si vous avez jamais essayé ça. L'hiver, c'est merveilleux. La consommation estimée du modèle à traction intégrale là, va être 9,5 litres au 100 km en ville, puis 6,3 au 100 km sur l'autoroute. Ce qui est le fun là, du SE, mais à traction avant seulement, vous avez l'option de mettre une transmission manuelle à 6 rapports, pour ceux qui aiment changer leur vitesse eux-mêmes. Puis, il y a aussi en option un moteur 1,6 litres EcoBoost de 170 chevaux, qui va être un peu mieux sur l'économie d'essence aussi. Là. Donc, ça c'est pour le modèle SE. Puis là, on tombe dans le modèle haut de gamme, qui est le modèle Titanium, qui est à traction intégrale par défaut. C'est le 4 cylindres 2 litres EcoBoost de 237 chevaux qui est dedans, avec une boîte automatique à 6 vitesses, mais là, on tombe avec de base, les sièges en cuir chauffant, le MyFord Touch, un système de son avec 12 haut-parleurs, un caisson d'extrême grave. C'est vraiment le modèle le plus équipé. Il est 32 904 de base. C'est ce modèle-là que j'ai rajouté toutes les options possibles dans les options sur le site de Ford qui a monté à 44 000 et des poussières. Là. Rendu là, ça va à peine de peut-être aller voir sur des marques de plus haut de gamme. Hein? Tu sais, à 44 000, tant qu'à ça, on va monter de modèle, hein? Ben c'est ça. Ça dépend toujours de ce que le monde recherche. Parce que une auto, c'est toujours qu'est-ce que tu vas avoir. Je veux dire, faut que t'aimes ce que la voiture a de l'air. Faut que t'aimes le look de la voiture. Fait qu'il y a des gens qui vont tomber en amour avec une auto. Puis, je les ai rendus là, puis sont prêts à payer plus cher pour avoir la même auto, mais avec l'équipement à pu finir. Là, à 44 000, je veux dire, t'as quand même l'option, t'as l'aide au stationnement, t'as l'auto regarde si tu changes de voie. Tu commences à changer de voie, elle va t'avertir. Fait que, mettons que t'es fatigué le soir, puis à voix que tu commences à changer de voie, l'auto va t'avertir avec un son. T'as l'aide aux angles morts. Tu vas qu'elle regarde des angles morts partout autour de l'auto pour te dire quand t'as une auto dans ton angle mort. Il y a vraiment des options là, à pu finir. C'est pas des options qui sont nécessairement obligatoires à avoir non plus. Mais c'est des choses qui sont disponibles. Puis faut pas oublier le modèle hybride aussi. Présentement, sur le site de Ford, on a juste le modèle hybride régulier qui a une transmission CVT, un moteur 4 cylindres de 2 litres qui qui est en 141 chevaux, puis un système de son avec 6 CD haut-parleurs, 6 CD, puis avec le système 5 dedans. Il va commencer à 29 399 $. La consommation pour le modèle hybride est vraiment intéressante. C'est 4 litres au 100 km en ville, puis 4,1 litres au 100 km sur l'autoroute. Puis Ford va aussi nous présenter probablement au début de l'année prochaine le modèle hybride rechargeable de la Fusion. Ça va être encore plus intéressant, mais aussi un peu plus cher. On est toujours avec Luc Desormeaux du podcast Automobile sur les ondes de la radio CILA. Ce qu'on se rend compte, puis ça c'est mon observation à moi, tu me le diras si je suis dans les patates, mais on se rend compte que Ford s'est peut-être assis un petit peu sur ses lauriers pendant de nombreuses années. Et si on avait eu le goût de l'évolution aussi élevé qu'on l'a présentement, pendant toutes les années où est-ce qu'on était leader mondial, on s'était pas assis sur nos mains, puis on n'avait pas attendu que la compétition nous dépasse, les Honda, les Toyota de ce monde nous dépasse. Le domaine de l'automobile pourrait être plus évolué qu'on l'est présentement aux États-Unis. Non, t'as raison. Les constructeurs américains se sont pas mal assis sur leur laurier là, dans les années 2000, puis les constructeurs japonais Honda, Toyota sont vraiment revenus les chercher, puis ont sorti des voitures moins chères avec de meilleurs équipements puis des voitures plus fiables aussi. Fait que là, les constructeurs américains sont tous en train d'essayer de changer ça de côté. Ford fait un bon travail, GM aussi fait un bon travail avec les nouvelles Malibu, puis la Cruze qui est un modèle super populaire, puis là vient de ressortir la Sonic, la Spark qui s'en vient, qui sont toutes des voitures qui vont connaître un certain succès là. La Cruze connaît un très très grand succès chez GM, fait que ça c'est un succès, c'est vraiment bon pour eux autres. Mais c'est ça. Puis là, présentement, si on regarde, c'est les constructeurs japonais qui sont plus en train de, on dirait, de regarder la parade passer. Certains d'entre eux, si on regarde Toyota, avec leurs autos comme la Camry, qui a pas vraiment changé beaucoup de look depuis les derniers 5, 6, 10 ans. Puis Honda, qui refont l'accord tranquillement, mais qui font pas nécessairement des changements drastiques pour justement pas perdre la clientèle qu'ils ont déjà. On dirait que la partie est en train de changer. Les Américains sont en train d'essayer d'innover, puis les Japonais, on dirait qu'ils attendent voir un peu plus ce qui va se passer. Donc, c'est le jeu qui est en train de jouer. Puis là, pendant ce temps-là, ben t'as les Coréens, t'as comme Kia puis Hyundai, qui sortent des voitures qui sont incroyablement fiables maintenant, avec des garanties qui sont meilleures que ce que les constructeurs américains et japonais offrent. Fait que la partie est en train de changer. Les gros constructeurs qui étaient dominants dans le temps sont plus nécessairement ceux qui sont dominants aujourd'hui. Puis c'est toujours en train de changer. Ça change de place tout le temps. Oui. Je pense entre autres, te parler de Kia et Hyundai, là, les Coréens. La nouvelle accent là, de Hyundai, moi, sincèrement, je la trouve très, très jolie. On dirait un véhicule haut de gamme, format miniature, mais un prix ridiculement bas. Donc ça, c'est très attirant pour le public. Tu as l'impression d'avoir une bagnole évoluée entre les mains, alors que finalement, tu as payé le prix d'une petite voiture bien normale. Oui, c'est ça. Puis si on regarde les Coréens comme Hyundai puis Kia, moi, présentement, une de mes voitures préférées sur la route, c'est la Kia Optima. Je trouve que c'est vraiment une belle bagnole. Ils ont vraiment fait un travail incroyable pour dessiner l'automobile. Tu regardes de l'extérieur, ça a presque l'air d'un coupé, même si c'est un quatre portes. Puis c'est des autos qui viennent de base avec le Bluetooth, puis avec des équipements, souvent les sièges chauffants, des choses comme ça. Puis c'est des options qui vont coûter peut-être un 2 000 $ de plus sur une auto d'un autre constructeur. Puis les autres mettent ça de base dans leur auto. Fait que c'est sûr et certain que le monde qui veut de l'équipement, ben vont regarder les autos coréennes, vont dire ouais, mais pour le même prix, je peux avoir une Hyundai Accent ou une Hyundai Sonata avec beaucoup plus d'équipement que son pendant, mettons, américain, qui va me coûter le même prix, mais là, il faut que je rajoute de l'argent pour avoir certaines options qui sont de base dans l'autre. Fait que, puis c'est, je veux dire, avant, c'était la fiabilité Kia puis Hyundai, le monde disait « Ouais, mais c'est pas nécessairement des bonnes voitures. » Puis ça, c'était vrai dans le temps, mais aujourd'hui, c'est égal aux constructeurs japonais ou aux constructeurs américains. Merci beaucoup, Luc. Comment on te retrouve sur les internets? Ben, si les gens veulent m'écrire, c'est à luc.desormeaux@outlook.com. Sur Twitter, c'est @scalazormeaux. Puis si les gens cherchent là, les chroniques qu'on a faites un peu avant, sont maintenant disponibles sur le site de Facteur Geek, qui est le site qui va avoir mon podcast va être sur ce site-là, puis mes essais routiers aussi. Si les gens sont intéressés, on va essayer de rendre ça un peu plus facile pour le monde. Si le monde veut le voir, l'essai routier que j'ai fait pour la Mustang, c'est disponible sur YouTube. Si tu veux, je peux t'envoyer le lien. Si tu veux le mettre sur le site, ça sera plus facile pour les gens pour le trouver. Sinon, s'ils cherchent sur YouTube, Luc Desormeaux, ils vont tomber dessus. On va partager ça sur la page Facebook de la radio CILE pour que les gens puissent aller cliquer. Merci beaucoup, Luc. On se dit à jeudi prochain. Merci Jean-Benoît. C'était Luc Desormeaux avec le podcast automobile sur les ondes de la radio CILE. Alors pour la chronique numéro 6, on parlait d'un des plus gros salons de l'auto au monde en termes d'assistance qui, selon les organisateurs, devrait avoir presque 2 millions de visiteurs cette année. C'est le Mondial de l'auto qui se passe à Paris. Donc on parle de ce salon de l'auto où tout le monde est présent et même des gens qu'on ne voyait pas avant dans un salon de l'auto. Et comme à l'habitude, on se donne rendez-vous pour parler automobile avec Luc Desormeaux les jeudis matin. Bonjour Luc. Salut Jean-Benoît. Là, tu vas pas me dire que tu es allé te promener en France, tu es revenu, puis là tu vas me jaser de ce qui se passe là-bas. Là. J'aimerais bien trop ça. Si je serais parti là-bas, je serais pas revenu encore. Le show est pas fini. Parce que là, cette semaine, tu nous parles du Mondial de l'automobile qui se déroule actuellement du côté de Paris. Et c'est bien beau, les salons de l'auto aux États-Unis. C'est gros, c'est grand, c'est beau, mais il se fait encore mieux du côté de l'Europe avec des constructeurs qu'on n'a même pas ici. C'est ça. Le Mondial de l'auto de Paris, selon les organisateurs, c'est le plus gros salon de l'auto au monde. En fait, de personnes qui vont visiter. Ils parlent d'environ 2 millions de visiteurs par année. Mais le Salon de l'auto de Paris, faut comprendre, il est pas là tous les ans. C'est à tous les deux ans. Il est en alternance avec Francfort. Fait que pour les années paires, c'est Paris. Les années impaires, c'est Francfort qui a le Salon de l'auto. Donc, c'est pas à chaque année. Comme tu disais, tous les constructeurs qu'on connaît sont là. Il y a des constructeurs aussi qui vendent juste en Europe qui sont aussi là. Il y a comme Dacia, Renault, Peugeot, Opel, qui est une filiale aussi de General Motors, Lancia, puis il y a Skoda aussi, qui est une petite compagnie suédoise. D'ailleurs, Skoda, là, pour les amateurs de hockey, si vous écoutez le championnat du monde junior à chaque hiver et une année sur deux, c'est présenté au Canada, c'est eux qui présentent une automobile à toutes les fois dans les estrades. Là, on fait comme, qu'est-ce qu'il fait là, ce char-là? C'est eux qui commanditent le tournoi. Puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils commanditent, ils amènent des chars, ça se promène. J'ai vu la dernière fois que ça s'est présenté du côté de Québec. J'étais dans ce coin-là à ce moment-là et on voyait des Skoda se promener au Canada. C'est extrêmement rare. Du temps du tournoi, on présentait ces bagnoles-là. Des beaux petits chars, bien construits, bien faits. Donc, pour les amateurs de hockey, vous allez pouvoir mettre un visage sur cette marque-là. C'est ça. C'est pas tellement connu ici, mais comme tu dis, ils viennent ici de temps en temps pour les championnats de hockey. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché européen, il est bien, bien différent du marché nord-américain. Juste comme exemple, sur le marché européen, la plupart des autos qu'on peut acheter ici, là-bas, sont disponibles avec un moteur diesel. Parce que en France, il y a à peu près entre 60 et 70% du parc automobile qui roule au diesel et non pas à l'essence régulière, ce qui est complètement le contraire ici. Là. C'est vraiment noir et blanc. Là. C'est la différence. C'est complètement différent de notre marché à nous autres. Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de nouvelles bagnoles qu'on nous présente? Ben, il y a Mazda qui avait présenté sa nouvelle Mazda 6 cette année au salon de Moscou. Là, au salon au Mondial de l'auto, ils nous ont présenté la nouvelle Mazda 6, mais version familiale. Fait qu'un bon, comme on appelle, un bon vieux station wagon. Pour le modèle d'auto que c'est quand même très joli. Les lignes sont vraiment, vraiment belles. Quand il y avait comme montrer un peu ce qu'on appelle un teaser. Là, il avait montré un peu des ébauches de l'auto en Russie. Puis les dirigeants de Mazda du Japon avaient dit que ça viendrait pas en Amérique. Mais cette semaine, je parlais avec la personne qui gère le compte Twitter de Mazda Canada sur Twitter, justement. Puis il avait l'air à dire qu'il travaillait pour avoir la Mazda 6 familiale au Canada. Puis ça a l'air être la même chose aux États-Unis. Fait que peut-être que ça va s'en venir de notre côté de l'océan aussi, peut-être pas juste en Europe. Ça serait pas méchant parce qu'il y a pas beaucoup de ces modèles-là sur le marché. Ça pourrait être un bon vendeur parce que c'est un petit look sport, puis c'est quand même très joli. Mazda nous a aussi montré, il allait ajouter des nouvelles technologies dans certaines de leurs autos, dont ce qu'ils appellent un start and stop. Ça veut dire quand tu arrives à une lumière rouge, le moteur s'éteint. Aussitôt que la lumière tourne au vert, aussitôt que tu pèses sur l'accélérateur, le moteur repart, puis tu peux repartir pour économiser de l'essence. puis une technologie de récupération d'énergie au freinage, un peu comme on a dans les hybrides. Quand on freine, ça recharge la batterie, donc ça redonne un petit peu plus d'électricité dans la batterie, puis après ça, on peut repartir. Donc, un genre de technologie comme ça qui fournirait en électricité les objets là, dans l'auto, dont la radio, puis ces choses comme ça, ça aiderait à donner de l'énergie à ces gugus-là, là, à ces petits gadgets-là. Sinon, les constructeurs américains Chevrolet et Ford ne sont pas en reste non plus. Non, Chevrolet et Ford aiment beaucoup présenter des nouveaux modèles là-bas aussi. Chevrolet a présenté son nouveau, un petit VUS là, qui s'appelle le Trax, qui va être aussi disponible en Amérique ici au cours de l'année 2013. Là, c'est comme le gros modèle. Là, le Chevrolet avait la Cruze qui avait lancé il y a peut-être 2 ans, qui était un gros succès. Là, il se fie sur le Trax, qui est, parce que le VUS s'est rendu, c'est une mode, là, on s'en cachera pas, le monde aime ça, mais c'est un petit VUS qui devrait être assez économique d'essence. Donc ils ont présenté ça là-bas, puis ça va s'en venir aussi. Juste un point important, mais quelque chose d'intéressant. J'ai remarqué qu'en Europe, la Cruze est disponible en 3 modèles. Ceux qui aiment la Cruze, il y a la 4 portes, il y a la 5 portes à haillons, comme un hatchback qu'on appelle, puis il y a la familiale aussi, qui est comme on disait tantôt, un station wagon, qui est pas disponible ici. Nous autres, on a juste la Cruze 4 portes avec valise régulière. Il y a Ford aussi, ils ont présenté la nouvelle Fusion en Europe qui s'appelle la Mondeo. Puis comme la Cruze, elle va être disponible dans les mêmes 3 modèles. Donc, à valise, hatchback, puis aussi familial, station wagon, qu'on n'aura pas nous autres de notre côté ici. On va juste avoir la Fusion régulière. Parfait. Donc, côté européen, il y a Renault qui nous présente une nouvelle Clio. Clio qui est... moi, j'aime beaucoup cette voiture-là. On l'a pas ici en Amérique, mais pour les gens, là, en termes de puissance et de gabarit, ça ressemble un petit peu à ce que offre la Mini Cooper. À peu près. C'est pour essayer de compétitionner avec les petites 4 portes sportives, là, les voitures compactes mais sportives. Renault se fie beaucoup sur les ventes de la Clio pour essayer de reprendre leur part de marché. Ils ont aussi la Zoe, qui est une voiture totalement électrique, qui est très, très intéressante. C'est 2 voitures ça serait très intéressant d'avoir en Amérique, parce que c'est des belles voitures, puis c'est des voitures qui ont de la gueule, puis c'est des voitures qui sont pratiques aussi. Si la Zoe viendrait en Amérique, je pense que ça serait un très bon vendeur. Ça compétitionnerait avec la Leaf, la Focus électrique, puis les voitures comme ça aussi. Côté européen, t'as aussi Seat, qui a présenté sa nouvelle Léon, qui est aussi un modèle très connu en Europe puis un gros vendeur pour Seat. Peugeot aussi a présenté un concept de voiture exotique hybride, assez incroyable. Le look, on peut en débattre, mais la technologie qu'elle a là-dedans est vraiment incroyable. Puis la voiture va s'appeler l'Onix. Si vous voulez chercher ça sur Google, vous allez voir les images. Là, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Cherchez même Mondial de l'Auto de Paris, vous allez trouver plein d'images. C'est toujours le moment dans des salons de l'auto comme ça de présenter des concepts plus flyés les uns que les autres. Certains se ramassent en production, d'autres sont tout simplement remisés et oubliés. Il y a BMW qui, eux aussi, présentent un concept cette année. Oui, ils présentent un concept, mais ça va être quelque chose qui va aller en production. Ça s'appelle l'Active Tourer. C'est un multisegment, là, donc une genre de caravane, mais plus petit, qui va être hybride, branchable. Ça va être propulsé par un petit moteur de 3 cylindres de 1,5 litres avec double turbo. Donc, on va avoir quand même assez de puissance. Puis, un moteur électrique pour le côté hybride. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première voiture à traction avant de BMW, parce que BMW font seulement des propulsions, juste ce qu'on appelle les tractions arrière, là. C'est seulement ça qui sont, que toutes leurs voitures sont présentement, mais ils s'en vont avec une traction avant pour ce modèle-là. Ça devrait être vendu en Europe l'année prochaine, puis nous autres, on devrait voir ça en Amérique, peut-être dans 2 ans, là, ça va dépendre des ventes, là, mais on devrait voir ça arriver en Amérique d'un moment donné. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la fiabilité? T'sais, un constructeur qui s'embarque dans une traction avant alors qu'il n'en fait pas normalement, on doit pas être spécialisé là-dedans. T'sais, est-ce que j'ai le droit de me permettre un certain doute? Oui, mais en connaissant BMW, je pense pas qu'ils vont lancer un produit qui sera pas mature. Là. Ils ont dû faire des tests, puis ils doivent travailler là-dessus depuis une couple d'années avant de nous avoir montré ça. J'ai pas vraiment peur, moi. On est toujours avec Luc Desormeaux du podcast Auto. Juste en terminant, donne-nous les dates et peut-être une voiture là, qui t'a vraiment flashé, là, ton coup de cœur de ce qui a été présenté là-bas à Paris. Ben, le Mondial Auto, c'est du 29 septembre au 14 octobre, donc ça finit dimanche. Pas cette semaine, mais dimanche la semaine prochaine. Comme tu disais tantôt, le monde qui sont intéressés, vous pouvez aller sur mondial-auto, pas de s.com, puis vous pouvez voir les conférences de presse en vidéo, puis tout ça. Vous allez voir les autos qui ont été présentées là-bas. Mon coup de cœur, il faut que j'y aille avec quelque chose d'assez dispendieux. C'est la nouvelle McLaren que McLaren a présenté. McLaren met jamais les pieds dans... Ils ont jamais mis les pieds à date dans un salon de l'auto, puis ils ont été présentés la P1. Ceux qui suivent le monde de l'auto un peu connaissent la McLaren F1 qui était vraiment une voiture de performance incroyable que McLaren avait sortie il y a plusieurs années. Là, ils reviennent avec la P1 qui va être la descendante de la F1. Puis McLaren ont bien dit qu'ils veulent en faire la voiture exotique la plus rapide, mais aussi la plus utilisable à tous les jours. Ça veut dire que tu vas pouvoir l'amener sur la piste puis avoir du plaisir. Tu vas pouvoir l'utiliser pour faire aller au travail puis revenir à la maison à tous les jours. Mais l'autre auto que McLaren fait présentement, c'est la MP4 12C. Elle se vend 250 000 $, puis ils s'attendent que la P1 va se vendre 5 fois plus cher que ça. Donc, ça prend un bon salaire pour pouvoir s'acheter cette voiture-là quand même. C'est pas un petit salarié qui fait du 9 à 5 qui serait capable de se payer ça. On pourrait se mettre en gang, mais il faudrait qu'on soit une sacrée gang pour pouvoir se la ramasser. Une bonne gang, puis on l'aurait pas tellement souvent. Non, c'est ça, hein? Merci beaucoup, Luc. On se dit à la semaine prochaine. Merci, Jean-Benoît. Salut, c'était Luc Desormeaux. Essayez-le pour sa chronique automobile. Salon, le mondial de l'automobile qu'ils appellent du côté de Paris. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté et manquez pas les épisodes réguliers du podcast de l'auto qui sont disponibles à chaque 2 semaines. Et vous pouvez entendre sur ce podcast Steve Desgarry, Jean-François Beaulieu et moi-même. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.